Il jase. Parle-t-il? Oui, comme la fleur parle à la source des bois, comme leur père Charles, enfant, parlait jadis à leur tante Dédé. Comme je vous parlais de soleil inondé, ô mes frères, autant mon père, jeune homme, nous regardait jouer dans la caserne à Rome, à cheval, sur sa grande épée, et tout petit. Jeanne, qui dans les yeux a le myosotis, et qui pour saisir l'ombre en trouvant ses doigts frêles, n'a presque pas de bras, ayant encore des ailes, Jeanne harangue, avec des chants où flotte un mot. Georges, beau comme un dieu, qui serait un marmot, ce n'est pas la parole, ô ciel bleu, c'est le verbe, c'est la langue infinie, innocente et superbe. C'est la musique éparse au fond du mois de mai, qui fait que l'un dit « j'aime », et l'autre, hélas, « j'aimais ». C'est le langage, vague et lumineux, des êtres nouveau-nés, que la vie attire à ses fenêtres, et qui, devant avril, éperdu, hésitant, bourdonne à la vitre immense du printemps. Ces mots mystérieux que Jeanne dit à Georges, c'est l'idylle du cygne avec le rouge-gorge, ce sont les questions que les abeilles font et que le lys naïf pose au moineau profond. Ô Jeanne, Georges, vois, dont j'ai le cœur saisi, si les astres chantaient, ils bégayeraient ainsi. Leur front tourné vers nous, nous éclaire et nous dore. Oh, d'où venez-vous donc, inconnu qu'on adore? Jeanne a l'air étonné. Georges a les yeux hardis. Il trébuche, encore ivre du paradis.